Le jeudi 26 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le RTC va retirer de ses autobus la publicité controversée de la Fondation Lebrivière. Le réseau de transport en a fait l'annonce en avant-midi, quelques heures après que le refuge de la rue Saint-Paul se soit retrouvé, bien malgré lui, au centre d'une crise. La vedette de sa campagne de publicité s'est avérée être un homme au lourd passé criminel, reconnu coupable notamment de pédophilie et d'incendie criminel. La victime a fait part de son indignation et a demandé à ce que l'image de son agresseur cesse d'être véhiculée publiquement. Lebrivière s'est excusé et a promis de ne plus utiliser la photographie à l'avenir, mais a expliqué ne pas avoir les fonds nécessaires pour produire une nouvelle campagne d'affichage. Très discret depuis le début de l'année, le député de Louis Hébert, Sam Ahmad, se serait entretenu en tête-à-tête avec son chef Philippe Couillard, selon les informations du Journal de Québec. Monsieur Ahmad serait en réflexion sérieuse sur son avenir politique après avoir été écarté d'un remaniement ministériel au début du mois. L'ancien ministre responsable de la capitale nationale n'a jamais retrouvé ses avantages de ministre depuis sa démission au printemps dernier suite à des révélations avec ses liens avec Marc-Yvan Côté. L'abolition des frais accessoires est entrée en vigueur aujourd'hui dans un climat d'incertitude puisque les négociations entre le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et les fédérations de médecine ne sont toujours pas terminées. Le ministre s'est néanmoins dit certain que la mesure n'aurait aucun impact négatif sur la prestation de services. À partir d'aujourd'hui, les médecins ne peuvent plus facturer à leurs patients des frais supplémentaires pour les soins qui sont couverts par le régime de l'assurance maladie. Seules quelques exceptions demeurent, notamment dans le cas du transport d'échantillons. Enfin, des députés et sénateurs conservateurs de partout au Canada sont à Québec aujourd'hui et demain dans le cadre de leur caucus précessionnel. Les élus se préparent à la rentrée parlementaire qui a lieu à Ottawa la semaine prochaine. La course à la direction et la question du bilinguisme retiennent sans surprise l'attention. Le député Gérard Deltel et la chef par intérim Rona Ambrose ont parlé d'une seule voix hier pour affirmer que le prochain chef devrait être capable de s'exprimer à tous les Canadiens dans leur langue maternelle. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. À la météo aujourd'hui, de la faible neige et un maximum de 0 degré. Demain, vendredi, neige intermittente, maximum de moins 5. Pour la fin de semaine, c'est gris, c'est nuageux, moins 5 samedi, moins 6 dimanche. Présentement à Québec, il fait 0 degré et il y a du grésil qui tombe également.